À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le journal Le Populaire et la radio du Sénégal ont présenté la deuxième partie pour l'achèvement de la cause socialiste tirée du rapport d'activité du comité central prononcé par le maréchal Kim Jong-un lors du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Par ailleurs, toujours à la même occasion, la filiale brésilienne de l'Association d'amitié avec la Corée a inséré dans son homepage d'Internet avec la photo du maréchal Kim Jong-un le contenu détaillé de son rapport d'activité susmentionné.